Chapitre 8e. Marguerite Bordelionne. À un demi-mille de distance environ du château de Dane, presque à angle droit avec le village de Danesheld, se trouvait la résidence de M. Lester. C'était une maison massive en briques rouges connue sous le nom de Danesheld Hall, et que, si ce n'avait été son importance comme habitation, on aurait pu prendre pour une maison de fermier, entourée qu'elle était de communs, de granges, de hangars, de cours et de basse-cours, et de toutes les dépendances que possèdent généralement les fermes de premier ordre. Sa situation était tant soit peu solitaire. Aucune habitation ne se trouvait dans les environs, et derrière la maison s'étendaient à perte de vue des bois immenses et sombres qui donnaient au pays un aspect triste et presque sauvage. Ces bois, qui appartenaient à Lord Dane, rejoignaient ses réserves de chasse et servaient de rendez-vous habituel aux braconniers. Le domaine de Danesheld Hall n'était pas grevé de substitution. M. Lester en était devenu propriétaire par donation et non par héritage de famille. Du reste, plus de la moitié de sa fortune lui venait de sa première femme. Un parent éloigné, possesseur de Danesheld Hall, avait fait George Lester, à cette époque, jeune et brillant officier aux gardes de la reine, plutôt pauvre que riche, mais très friand de plaisir et heureux de vivre, ne sut s'il devait être content ou mécontent de cette donation. La fortune était sans aucun doute la bienvenue, mais la perspective de végéter dans le fond d'une province, d'être gratifié de l'épithète honorifique de Squire, ne lui souriait que médiocrement. Cependant, dans ce bas monde, on finit généralement par s'accommoder de bien des choses, et c'est là le parti que prit George Lester. Il vendit son grade dans l'armée, se maria, et vint habiter Danesheld. Il appelait néanmoins, aujourd'hui encore, le pays, en manière de vengeance, un fichu endroit, le bout du monde. Il avait épousé une demoiselle Bordelionne. Qu'il ne l'aima pas d'une excessive passion, c'est ce qui ne fit jamais le moindre doute pour elle, et pour les autres. Il s'était, dans le temps, laissé fiancer à mademoiselle Bordelionne, à cause de ses espérances, et quand il devint lui-même un homme riche, quoique son cœur l'eût dans un premier mouvement, portait désirer voir son engagement rompu, il sut résister à la tentation d'une action aussi déshonorante et l'épousa. Cependant, Catherine Bordelionne ne lui apporta aucune fortune. Elle était d'une bonne famille, mais pauvre. Un dicton du pays disait « pauvre et fier comme un Bordelionne ». Catherine avait été élevée par une lady fort riche et sans enfant, Madame Hesketh. M. Lester fut un bon, un excellent mari et son mariage fut heureux. Deux enfants en acquirent, un fils et une fille. Ses enfants étaient encore très jeunes quand Madame Hesketh mourut, laissant un testament assez étrange. À M. Lester, elle léguait sans condition aucune 1200 livres sterling de rente, en fonds d'État, qui naturellement devinrent à l'instant même sa propriété et dont il eut la libre disposition. Cette somme doubla à peu près son revenu, qu'il se trouva encore augmenté par d'autres dispositions du testament de Madame Hesketh. À la petite fille était léguée une somme de 14 000 livres sterling, dont le capital était placé à gros intérêts, et dont les revenus devaient être touchés par M. Lester et lui appartenir tant que sa fille ne se marierait pas. Il y avait encore d'autres legs, dont l'un au fils de M. Lester. Quelques années après son mariage, Madame Lester devint tout à coup languissante et malade. Durant sa dernière maladie, une cousine éloignée, Marguerite Bordelionne, vint habiter avec elle. Elles avaient été petites filles ensemble et étaient depuis restées intimement liées. Madame Lester obtint d'elle la promesse de ne pas quitter Danesheld Hall après sa mort et de surveiller l'éducation de sa fille Maria. Marguerite Bordelionne, charmante et douce jeune femme de 32 ou 33 ans, ne put s'empêcher de rougir en pensant à ce que dirait le monde si elle continue à vivre dans la maison du gai et séduisant M. Lester. Mais quand la mort se dresse tout à coup devant nous, et Marguerite savait que la pauvre Mme Lester n'avait plus que quelques jours à vivre, ses mains moites et son visage déjà livide le lui disaient assez clairement, les considérations de second ordre s'évanouissent en présence de l'inconnu terrible où une âme va entrer, et l'on n'est plus préoccupé dans de pareils moments de remplir envers Dieu son devoir, quel qu'il puisse être, que de s'inquiéter de ce que dira le monde. Marguerite Bordelionne promit donc ce que lui demandait son amie, de demeurer au hall, quant à présent du moins, pour élever Maria. Et souviens-toi, Marguerite, avait murmuré Madame Lester en l'attirant plus près d'elle encore, afin qu'elle ne perdît pas un mot de ses paroles. Que si dans l'avenir un sentiment plus doux que l'amitié s'élevait entre George et toi, cela peut arriver, et s'il cherchait à faire de toi sa femme, j'en serais heureuse. Souviens-toi que je te le dis aujourd'hui. Oui, j'en serais heureuse. Comment peux-tu penser à de pareilles choses et m'en parler dans un moment comme celui-ci ? Interrompit Miss Bordelion, effrayée, confuse, en se relevant vivement. Toi, sa femme, il t'est possible de supporter avec calme l'idée qu'il en épousera une autre ? Le monde avec ses passions n'est plus rien pour moi, Marguerite. Il me semble déjà que je l'ai quitté. George, j'en suis sûr, se remariera. Il est trop jeune pour rester veuf, et j'aimerais mieux qu'il te choisisse, toi, plutôt que tout autre, pour servir de mère à mes enfants. Madame Lester mourut. Il y avait 2 ans déjà que Miss Bordelion demeurait à Denchild Hall. Dès le premier jour, elle s'y était tenue dans une position à demi effacée, ne se considérant pour ainsi dire que comme l'institutrice de Maria, et refusant absolument d'agir en maîtresse de maison. Elle s'occupait, dans une certaine mesure, des affaires domestiques, donnait ses ordres timidement, presque par insinuation, et surtout sans afficher aucune prétention d'autorité. Elle ne se permit jamais d'occuper à table la place de Madame Lester, et lorsque M. Lester recevait, elle s'abstenait de paraître et restait dans la nurserie avec la petite fille. Quant aux soirées, elle les passait plus souvent dans sa chambre que dans le salon du hall. Maria n'avait que 8 ans à la mort de sa mère, et cette extrême jeunesse ne faisait sentir que plus vivement à Miss Bordelion la fausseté de sa position. Bien des femmes n'auraient pas eu de ces scrupules, mais Miss Bordelion était d'un caractère timide et modeste, qu'effrayait le moindre manque aux convenances. Cette existence en commun pendant 2 années avait aujourd'hui un dénouement qu'il n'était pas difficile de prévoir, l'amour. En contact continuel avec George Lester et ses charmes, influencée peut-être aussi par le souvenir des dernières paroles de Madame Lester, Miss Bordelion, peu à peu, presque sans en avoir conscience, lui devint profondément attachée. Et quand une femme a laissé dormir son cœur pendant plus de 30 ans, il est bien rare, s'il s'éveille, que cette passion tardive n'éclate pas avec une force et une violence inconnues aux jeunes filles. Timide, modeste, peu expansive, Marguerite Bordelion entretenait cet amour au fond de son cœur, nourrissant l'espoir que M. Lester se décidera peut-être à faire d'elle, suivant le vœu de la mourante, sa seconde femme. Cet espoir, de jour en jour plus vif, s'était presque changé en certitude, et la vie de la pauvre fille depuis ce moment n'avait été qu'un long rêve de bonheur. Un matin, quelques jours seulement après la mort de Lady Dane, M. Lester, pendant le déjeuner, fit observer à Marguerite que les chaleurs paraissant devoir être précoces cette année, il serait préférable dorénavant de déjeuner dans la salle à manger d'été, non exposée comme celle-ci au soleil levant. « Je le dirai au domestique aujourd'hui même, » répondit Miss Bordelion. Quand le fils, Wilfrid, était à la maison, on déjeunait généralement en famille, tous ensemble, comme ce jour-là. La nièce de Miss Bordelion, Edith, demeurait depuis quelque temps à Denchild Hall. Fille unique du major Bordelion, elle arrivait des Indes, où son père, étant au service, n'avait pas cru pouvoir la garder auprès de lui après la mort de sa femme, et l'avait embarquée pour l'Angleterre, en priant sa sœur d'en prendre soin, jusqu'au jour où elle trouverait à la placer dans une pension convenable. Les 2 petites filles, Edith et Maria, charmantes enfants toutes 2, étaient presque du même âge. Edith Bordelion avait 12 ans, Marie à 10. Wilfrid était un peu plus âgé, il venait d'atteindre sa 14e année. Pendant que les enfants qui avaient sauté par la fenêtre de la salle à manger couraient en se poursuivant et en se taquinant sur la pelouse du jardin, la taquinerie formait le principal amusement de Wilfrid pendant ses vacances, Marguerite Bordelion, assise dans l'embrasure d'une fenêtre, lisait une lettre qu'on venait de lui remettre quand elle s'entendit appeler de la pièce à côté par M. Lester. « Venez un instant, Marguerite. Je voudrais vous demander votre avis. L'idée ne vous est-elle jamais venue qu'on pourrait construire là, à partir de cette fenêtre, une admirable serre ? L'endroit serait très bien choisi, en effet. Je crois vous avoir entendu déjà parler de ce projet. C'est bien possible. J'en ai l'idée depuis quelque temps. Si je dois la mettre à exécution, il faut que ce soit maintenant ou jamais. Pourquoi plutôt maintenant que plus tard ? M. Lester se mit à rire, mais d'un rire timide, presque contraint. Son admirable visage avait un air embarrassé qui ne lui était pas habituel. Le mot admirable peut sembler impropre, appliqué à la beauté d'un homme. Il est cependant exact quant à M. Lester, dont la beauté exquise aurait même été presque trop délicate, si ses yeux bleu-violets enfoncés profondément dans leurs orbites n'avaient pas eu un éclat et une énergie qui rachetaient ce que sa physionomie avait d'efféminé. Il se remit bientôt de cet embarras passager et, souriant franchement, regarda Miss Bordelion en face. « Il y a 2 ans que Catherine est morte, » lui dit-il à voix basse et de cette voix douce qui lui semblait la plus délicieuse des musiques. « Voyons, Marguerite, répondez-moi franchement. Seriez-vous très choquée si je commence à désirer de donner à une autre la place qu'elle occupait ici ?» Avec quelle précipitation son cœur battit à ces paroles. Elle eut à peine la force de rester debout. Le sourire de M. Lester devenait de plus en plus significatif. « Dans ce cas, vous savez, nous devrions auparavant rajeunir et rendre belle la vieille maison. Il ne serait pas séant de remettre à plus tard les changements nécessaires. Qu'en dites-vous, Marguerite ?» Que pouvait-elle dire, la pauvre fille ? Rien. Marguerite Bordelion, la tête baissée, les joues brûlantes, gardait le silence. Qu'elle était loin de se douter de la vérité. Sans prendre positivement les paroles de M. Lester pour une offre directe, elle avait trop de bon sens pour cela. Elle ne faisait aucun doute cependant que, telles qu'elles étaient, elle ne s'adressasse à elle. Joe Lester était un de ces hommes sur les intentions desquels les femmes peuvent facilement se méprendre, tant il y a de douceur et de chatterie, quoique sans arrière-pensée de leur part dans leur manière d'être avec elle. Marguerite Bordelion était donc excusable de s'y laisser tromper. Le ton légèrement embarrassé de M. Lester, auquel il ne l'avait certes pas habitué, contribua aussi à son erreur. M. Lester attendait une réponse. Il remarqua l'air de réserve et de confusion de Marguerite. Et se méprit à son tour. Il la crut désagréablement surprise et péniblement affectée à l'idée d'un nouveau mariage pour lui. « Marguerite, » dit-il avec une persuasive éloquence et en posant affectueusement la main sur son épaule, « je suis si las de mon veuvage. Catherine est morte. Mais nous, qui vivons, est-il raisonnable que nous restions liés à jamais à un souvenir ? Réfléchissez et essayez de surmonter votre répugnance. » M. Lester sortit sur ces mots et alla rejoindre ses enfants. Il lui suffisait d'avoir préparé Marguerite un aveu qu'il ne jugeait pas à propos de faire encore. Il voulait, avant d'en dire davantage, lui laisser le temps de réfléchir et d'envisager froidement les choses. Et Marguerite Bordelion, elle resta clouée à la même place, caressée par les rayons du soleil levant, emblème de la clarté dont s'illuminait son âme. « Enfin, je serai donc sa femme ?» se murmura-t-elle à elle-même. « Sa femme ? Sa femme ? Comment ai-je pu mériter un si immense bonheur ?» Mais hélas, ce n'était pas à elle que pensait M. Lester, dont l'étonnement n'aurait pas été moins immense que le bonheur dont se flattait la malheureuse fille. Si l'on était venu lui annoncer qu'elle avait pris pour elle ces paroles. Non, ce n'était pas à Marguerite Bordelion qu'il pensait, mais à une femme plus jeune, sinon plus charmante, à Lady Adelaide Erol. Dans des termes d'étroite amitié avec Lord Dane, entrant au château, en sortant, y rentrant avec le sans-façon d'un fils de la maison, avec plus de liberté même que le nouvel héritier Geoffrey, M. Lester y avait pour ainsi dire élu domicile depuis la mort de Lady Dane. Ce fut lui qui, pour épargner de pénibles soins à Lord Dane, se chargea de tous les détails et de tous les arrangements indispensables en pareille circonstance. Il prit sur lui toutes les démarches et toutes les corvées. Sa présence continuelle au château eut pour résultat de le mettre en contact fréquent avec Lady Adelaide, et dans ses entrevues, il fut amené tout naturellement à lui parler des changements que la mort de sa tante apporterait dans son avenir et à lui demander ce qu'elle comptait faire. Dire que M. Lester était attaché à Lady Adelaide serait une faible expression pour exprimer ses sentiments à son égard. Il l'aimait d'un amour passionné, ardent, qu'il n'avait jamais ressenti ou feint de ressentir pour sa première femme. Adelaide était devenue l'ange de ses rêves, l'étoile du matin de son existence. Pendant la vie de Harry, M. Lester avait, dans une certaine mesure, tenu son amour secret. Pas toujours, cependant, car à différentes reprises, il s'était laissé aller à des demi-aveux. Avec ses divinations, étrangement perspicaces, des amoureux pour tout ce qui a rapport à l'objet aimé, M. Lester avait compris qu'Adélaïde n'éprouvait pas le moindre sentiment d'amour pour Harry. Convaincu qu'elle refusait sa main, il s'était contenté d'attendre patiemment que ce moment arrivât pour se déclarer ouvertement. La vue seule d'Adélaïde était pour son âme comme une jouissance céleste. Jamais il ne soupçonna aucune intrigue entre elle et Herbert Dane. Jamais la pensée qu'ils pussent s'aimer n'entra dans son esprit. Lady Dane avait prévu la probabilité qu'après sa mort, Adélaïde ne pourrait pas prolonger son séjour au château. Et elle avait pensé à la confier à une parente éloignée, Madame Grant, une lady veuve, vivant au nord de l'Écosse, très pauvre et avec une nombreuse famille, qui, Lady Dane le supposait du moins, devait se considérer comme très heureuse de recevoir Adélaïde et la libérale rétribution qu'elle apportera avec elle. Pour Lady Adélaïde, au contraire, c'était là une horrible perspective. Le purgatoire ne serait rien en comparaison, avait-elle dit en confidence à Sophie. Mais nécessité n'a pas de loi. Le château n'était plus maintenant une résidence convenable pour elle. Lord Dane, dans son état de maladie, qui s'aggravait chaque jour, ne sortait pas de sa chambre, et Lady Adélaïde se trouvait toujours seule, sans société et sans chaperon. Mais sûrement, vous ne devez pas être heureuse d'aller demeurer chez cette Madame Grant, Lady Adélaïde, lui avait demandé M. Lester le lendemain de la mort de Lady Dane. Heureuse, rien sur la terre ne m'est plus désagréable. Mais que puis-je faire maintenant que ma tante est morte ? George Lester sentit bondir son cœur dans sa poitrine. Il laissa enfin échapper le secret qu'il avait eu si longtemps, et avoua son amour à Adélaïde en la suppliant de devenir sa femme et la châtelaine de ses domaines. Prise un peu à l'improviste et étonnée, son premier mouvement fut de refuser son offre, car elle n'aimait pas plus M. Lester qu'elle n'avait aimé Harry Dane. Mais la perspective de partir pour l'Écosse et de s'ensevelir dans la maison de Madame Grant, pleine de tristesse et d'enfants, arrêta le refus sur ses lèvres. « Voulez-vous me permettre de réfléchir pendant un jour ou deux, Monsieur Lester ?» Il aurait été heureux de lui accorder un mois ou deux, pourvu qu'à la fin du délai, elle ne le repoussa pas, et pendant deux jours, il ne revint pas à la charge. Le soir du troisième jour, ce fut Adélaïde qui, d'elle-même, et sans qu'il eût besoin de lui rappeler sa promesse, l'informa de son acceptation. Elle lui accorda sa main avec un calme et une froideur si prononcées que M. Lester aurait pu, sans grands efforts, s'apercevoir qu'elle ne l'aimait pas. Mais un homme amoureux n'est-il pas aveugle ? « À une condition seulement, ajouta-t-elle, vous n'exigerez pas encore l'exécution de notre engagement, dans un an, peut-être. Comme votre fiancé, je puis rester au château aussi longtemps que vivra Lord Dane, et nous nous verrons tous les jours. » M. Lester éprouvait un bonheur trop grand pour faire la moindre objection. Il ne dormit pas de la nuit, projetant des changements et des améliorations à Danechild Hall, et ne pensant qu'à elle, à la recevoir dignement dans sa future demeure, dont il voulait faire un séjour enchanté. Quant à ses enfants, à ses amis, ils occupaient en ce moment une bien petite place dans son cœur. Adélaïde le possédait tout entier sans partage. Comment aurait-il donc soupçonné la cause de l'embarras et de la confusion de Marguerite Bordillon ? Marguerite resta, rêvant à son bonheur, à la même place où l'avait laissé M. Lester. Combien de temps elle aurait eu de la peine à le dire ? Les voix des enfants jouant au dehors sur la pelouse, celle de M. Lester qu'elle entendait leur parler, étaient pour elle comme la plus douce des mélodies. L'entrée de l'une des domestiques l'attira brusquement de sa rêverie. Tiffle, Miss Eliza Tiffle, était le factotum du hall. Âgée de 30 ans environ, petite femme sournoise, à figure rouge, maigre et pointue, avec de petits yeux gris clair, rusée et fureteur, elle avait commencé par être fille de cuisine, puis était devenue cuisinière et enfin avait gagné la confiance de Madame Lester pendant sa dernière maladie. La pauvre malade s'imaginait avoir mis la main sur un inappréciable trésor et avait demandé à son mari de ne s'en séparer jamais si cela était possible. Au moment de la mort de Madame Lester, Tiffle avait la haute main dans la maison, qu'elle gouvernait sans conteste. Mais quand elle vit Miss Bordillon s'installer définitivement au hall, elle ne put supporter l'idée de partager l'autorité avec cette nouvelle maîtresse et donna son compte. M. Lester, bien loin de l'accepter, augmenta ses gages. Tiffle se laissa toucher et consentit à rester provisoirement. Puis quand elle s'aperçut qu'elle dominait plus facilement encore Miss Bordelion que Madame Lester, elle ne parla plus de départ. En réalité, Miss Bordelion se méfiait d'elle et la craignait. Tiffle, de son côté, haïssait Miss Bordelion. En général, du reste, elle haïssait tout le monde. Mais personne autant que la douce et inoffensive Marguerite, dont l'autorité, quoique nulle, lui pesait, et par qui, avec une sorte d'instinct, elle se sentait soupçonnée. Tiffle était de ces femmes qui peuvent entretenir au fond de leur cœur une implacable haine, tout en conservant les apparences d'une amabilité obséquieuse et les dehors les plus mielleux. Elle avait appris, le matin même, par une indiscrétion d'un des fournisseurs du château, les projets de mariage de Squire Lester, et sans se renseigner davantage, avait supposé que la fiancée ne pouvait être que Miss Bordelion. Le coup fut violent pour Tiffle. Elle se rendit compte à l'instant du changement que ce mariage apporterait dans sa position et réfléchit toute la matinée à la conduite qu'elle tiendrait. Elle prit enfin son parti et alla trouver Miss Bordelion. « Miss Bordelion, dit-elle sans préambule, on vient de m'annoncer une nouvelle à laquelle je ne m'attendais certes pas, et qu'en tout cas il m'a été pénible d'apprendre de la bouche d'un étranger. Je croyais mériter assez la confiance de mes maîtres pour qu'on ne fît pas de cachotterie à mon égard et... Vous vous oubliez, Tiffle. Interrompit Miss Bordelion, expliquez-vous, de quoi parlez-vous? Jones Dory vient de me dire que vous et M. Lester étiez sur le point de vous marier, s'écria Tiffle. Son maître le lui a dit, et je vous répète que j'aurais bien pu, moi aussi, être mise dans la confidence. Je n'ai pas été habituée à ce qu'on se cachât de moi, Miss Bordelion. On a toujours eu des égards pour moi dans toutes mes places, et c'est la première fois que pareille chose m'arrive. Jamais dans sa vie, Marguerite Bordelion n'avait éprouvé une pareille émotion. L'insolence de Tiffle, la colère de Tiffle. Qu'était-ce que tout cela devant cette nouvelle dont l'annonce fit tressaillir la pauvre fille jusque dans les dernières fibres de son être? Rouge comme une pivoine, tremblante, en proie à un trouble indicible, elle put à peine articuler quelques paroles sans suite. « Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, » bégaya-t-elle. Il ne lui vint pas un seul instant la pensée de douter de l'exactitude de l'information et d'essayer de nier le fait. « Ainsi donc, » continua Tiffle, « comme je n'ai pas été habitué à supporter un pareil traitement et que je ne peux m'y faire, je vous donne avis que je quitterai la maison à la fin du trimestre, madame, c'est-à-dire de demain en 4 semaines. » Elle tourna les talons en gesticulant et sans attendre de réponse. Ni l'émotion ni le trouble de Miss Bordelion ne lui avaient échappé.